règlement de compte. Freestyle. Je te que le microphone est dans ta tête, ça résonne. Que des bonnes vibes, man, on vient te donner. Représente L.A. et tous les good boys de la Décida. Man Cali, disciple de la dance. Je me battrai jusqu'à la fin, voir le début de nouveau commencement. Mets-toi au parfum, dis aussi sur la base de lancement. Si t'es pas paré, prépare tes pansements. En règle, la vision apocalyptique qui te retarde. C'est le vent souffle fort, noir les hommes voient leur sang rive et tourner vers l'enfer avec un changement de décor. Corps à corps, on s'agrippe parmi les siens, amis et ennemis, pour ne pas tomber sombré dans l'obscurité. Ne voyant plus la ligne de la liberté, pas la peine de fuir autour de toi. Se cachent des officiers qui surveillent les environs, les alentours, priant que l'ouest ait le don de libérer ce monde noir lourd où les hommes s'enfoncent toujours plus loin, garçon, toujours aussi profond. De leurs péchés, ils vont subir la punition de Dieu. Ils vont cramer, noyés sous le feu, cerclés de barbelés. Et puis leur seule chance est de prier. Que dit aussi libère le démon qui succombe en eux, féroce, et les reflets dans leurs yeux qui montrent toute la parodie de leur vision du monde atroce qu'ils ont subi pendant toute leur vie. T'attaques en main magique avec des coucous que de coucous. Au revoir, bye bye, faut que je flash. J'espère que t'as apprécié la taille qu'on a fournie ici ce soir, remplissant les sauts de sueur, faisant suer ceux qui nous aiment pas. À moi tout seul, mon gars, j'te colle un attentat. J'pose des pros là, là-bas aussi. Maintenant, on dépose de gaz à la borne et gaz. Toi qui capte enfin par les os, mon SOS sans cesse te dresse le pavillon. Antidote para au rayon. Méfie-toi, les murs ont des oreilles. Sois superstitieux car 13 veille, surveille, gars, au retour de manivelle. Bornica, la NDN de l'underground, un toc, j'fousse les teubés. Comme dans une fiction, le bouc émissaire se retrouve ébété. Ébahi, et l'ennemi qui a suivi ce long métrage. Cerné, manipulé, je l'enferme dans une cage. Agitation du gibier, agrégation d'un fumier. Je lâche mes verres en force comme une ligne de 5000 volts. Volt, volt, électrocution d'IDX. Comme le vrai journal, mes paroles te fixent. Pas de paraphrase, bidon, borne, gaz, but, dégaze les nazes. Je représente les pourloirs à fond de base. Psh, tagada, psh, psh, tagada. Et ça t'est débarqué, contamine les côtes ouest, nord, sud et est. Les bons, les mauvais moments ont une fin. Profite à chaque instant qui m'est offert. Car demain est un autre jour. Les bras tendus au ciel. Répète le rituel et reste fidèle à mon poste. Les temps sont durs, je blouse en manque de flouze. Ici les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Comme toi je lutte pour ma survie, la vie de ma petite fille ainsi que ma mifa. Reste lucide, ne prends pas le ticket pour l'oubli. Donne du sens à ta vie, sinon la FIN arrive vite. Sur ce baby Bruce à FIN, il le freestyle SAT dit aussi. La FIN de Monte Costa, Ligo bloque les rigolos, la mythomanie. Du sud à l'ouest, les cris de Jade jaillit. Les pleurs, les cris, maculent le mur des jours aigris. On le sait, et l'hiver cristallise les verres de brise nausées. L'âme perd de rosée. Ma sœur l'aurore s'élève, du bout des lèvres embrasse la fin, la sève, le sang, le sort d'enfant. Les sortilèges et si seul le néant apporte le réconfort, la corde se rompt. Un dort au cœur métal, la plume guerrière s'y font les gosses hein. Les familles déchirées, sa preuve de drame. J'ai pas voulu aimer la vie, la fin c'est vie. Elle le foot 982 من ضرب دم غربي ماشي فيتمين. سمع منين جبت هاد الراب وشحال بنين دوق بالودنين دوق بالودنين. Chercheur en labo, t'apporte de la fraîcheur labo. Original flow, taf, expérience accumulée. A que de muler, émuler, faut les vrais, je vais plus les calculer. Aduler, mon crew avance sans reculer, recouler. Au micro comme un pigeon, ce n'est pas mon truc. Et quand tu tchatches, j'ai pas la trique, donc trouve-toi un tube qu'on fatch. En fait, là j'amène ma vision pointue, pas de la pointe en tutu. Commençons si tu pointes, on te tue. Avant la fin de ce que tu fus, démonstration, sismique, passion, nouveau syndrome, danger, règlement de compte, quoi qu'on en dise. Ça c'est du concret, pose, je recrée. Attends la suite, on va tout ravager. Je vais même t'arranger d'un trait le portrait du prototype du pauvre type qui jacte au lieu de passer à l'acte. Hakim best jeps, pour l'emdeps comme pour un oups. Le oups oups, tu veux en placer une attente, tous louche. Et c'est lui qui voulait m'écraser comme une mouche. Ouch, je te pousse, plus grave, basse, boot, si boot, c'est alias Prince Arabi. Je sais que tu sais, mon job être présent jusqu'à l'op. Pour doper, doper, jamais ça dope. Et si pas de teubé qui gobe. Stress, connais le refrain, une fois en place les enjoints. Un cousin, commence le festin, se manifeste un parrain. Les parrains comme des requins, tac le terrain. Au nom du West Méridien, pousse la locomotive. Les troupes s'activent, règlement de compte dans les bacs, ça y est ça arrive. Avec un son neuf, fois plus fat que Daddy Puff. Baston vedette, incontesté, sollicité dans les mondaines. Soirée des micros allumés avant la fin, finissent par s'embraser. Avant la fin du freestyle, je vous présente les négros spirituels meilleurs. Yeah yeah, demain j'écoute que le monde entier m'acclamait comme un basketball player. Yeah, yeah, l'original McGregor. A tous les gens qui se sont foulés pour que le hip-hop ne connaisse pas de fans ou n'auront pas de fin niveau musique. Ceux qui entraînent les MCs, get busy. On craint le mot fin quand il représente une fin sérieuse du monde où tout le monde succombe. Un fléau comme le déluge où nous sommes seuls jugés, voulons bruger. C'est le sujet de discussion dans mon QG. Peut-être maître de soi, mais pas du monde. Non, on craint que nos projets s'effondrent car le monde est bondé. Une troisième guerre mondiale, dernière montée d'audimat pour les médias. Les maniaques de l'arme feront leur comeback. Dans le FN, on craint aussi que le monde soit plein de black. Oh lord. Dans tiers monde où progresse la peine capitale, ou toi minorité sous mauvais capitaine, dit dans le happy. Wapi, yo, traduit du lingala ou. Et tu crains tout est bien qui finit bien doux. Seulement t'es en train de te faire planter dans le dos. En fait, c'était la réflexion depuis les mondes. Oh, je règle mes comptes et ma PlayStation comme des OC. Je crois qu'il nous entend là. C'est la fin. Mes yeux se ferment, je suis comme mort. Projeté loin derrière le décor. Je revois ma vie bien hardcore. Le maître au royaume des ports. Se raconter ma croix. Allez dans une paire de Sergio. À bouffer du caviar dans un palace tenu Starco. On joue au poker. On joue au champagne dans les water. Écoutant du carré soin disant. Pour un verre, un épiderme de Pacino. Un pachyderme pas de chez nous. Et la soirée finit en coucou. Car la shérif, une vie de fou. Rester discret à l'extérieur ou griller à l'intérieur. Raconter les snipers avant je comptais les dollars. Vie de rêve, fin de mon âge. J'damerais plus de bord de chez. Car j'ai pas eu les mêmes valeurs qu'une des garçons tailleur Chanel. Fuyèche, finish la fin, after festin. Le chien au clos, la sueur d'écho dégueulasse. De code, la pâte, le fontaine, on se casse. Comme des chats, comme les filles, toi, c'est la rime traîne. On revient, on est pas loin, on se cache. On esquive les filles à côté, obligé. Si ma bien aimée gris, elle pourrait de beauté. Tente pas le diable, sois aimable, esquive la fin. C'est terme, fais flipper les frangins. Me saoule, je suis à jeun, éteint le noir, la nuit à trou. Chemin, tu te trouves perdu dans les globes trottes. Le froid te frotte dans la brume. Tu passes le cap d'émanciper. Cherche ta grotte, apprivoise l'eau. On passe un peu avant qu'il course. Prie bien les règles de cité. Quand tu chopes la bourse, esquive les frous, sueurs, froides, ce couloir. Enfin, des haussiers absents dorment et meurent pas. La fin. N'y vois rien de personnel, mon vieux. Disons que t'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Pas de chance. Bon voyage, sac à merde.